Radio Adventiste Bethany Pétionville vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par les paroles du Saint-Esprit. Sœurs et frères, bonsoir. Bonsoir. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous voici réunis une fois de plus, bon pied, bon œil, pour continuer à chercher la présence de Dieu. Nous sommes ici ce soir encore à Bethany, dans la maison du pain, non seulement pour répandre nos âmes aux pieds de l'Éternel, mais aussi et surtout pour entendre sa voix parler à nos cœurs. Le Seigneur prend plaisir à parler à tous ceux et à toutes celles qui cherchent sa face. Je sais qu'il est auprès de nous maintenant et je sais qu'il peut parler à nos oreilles et nous dire ce soir encore des mots d'exhortation, des mots de paix, des mots d'espérance et de salut. Puisse votre Dieu vous parler encore ce soir et qu'il vous guide à avoir le succès, qu'il vous parle pour vous conduire sur le chemin de la réussite. Puisse votre Dieu vous guider ce soir encore à rester sur le chemin qui mène vers la vie éternelle. Samedi dernier, quand j'étais là avec vous, quand j'ai eu le privilège de vous présenter le mot de Dieu, nous vous avions présenté ce que le Seigneur attend de ceux et de celles qui souhaitent avoir une plus profonde intimité avec lui. Je crois que c'est autour de ce thème que vous priez. L'Église, enfin, les dirigeants le proposent, votre présence témoigne que vous acceptez d'avoir une intimité plus profonde avec Dieu. Et samedi dernier, on avait vu à travers la Bible que cette intimité profonde exige que chacun de nous renonce à ses péchés. Car là où il y a le péché, Dieu ne réside pas. Dieu n'habite pas là où le péché, là où il y a des ouvriers d'iniquité, là où nous choisissons de faire ce qui est mal, Dieu ne tolère pas le péché. Donc tous ceux et toutes celles qui veulent se rapprocher de Dieu, les sœurs et frères de Bethany, les membres d'église qui veulent avoir une relation plus étroite, plus intense avec Dieu, doivent s'engager à renoncer au péché. Ce soir, nous allons considérer un autre texte de la Bible qui nous permettra de comprendre que l'engagement à prendre pour renoncer au péché, cette intimité plus profonde que nous souhaitons avoir avec Dieu, nous ne pouvons pas l'obtenir seul. Ce combat contre le péché, nous ne pouvons pas le gagner seul. Cette quête d'intimité, pour que nous ayons du succès, de la réussite dans cette quête, nous devons apprendre à compter sur Dieu. Nous devons apprendre à nous appuyer constamment sur Jésus. Et le texte que je voudrais soumettre à votre réflexion, et dans ces textes, Jésus présente les bases de la vie chrétienne, se trouve dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15. Nous lirons ensemble les versets 4 à 7. L'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15, ce sont les versets 4 à 7 qui nous intéressent. Ouvrez donc vos Bibles. La projection est là. J'espère qu'on va vous envoyer le texte. Mais en attendant, prenez vos Bibles, vos téléphones intelligents, vos tablettes, peu importe le support que vous avez. Ouvrez votre support. Et lisons ensemble dans Jean 15, versets 4 à 7. Besoin tout le monde lit parce que moi, j'aimais le nap lit ensemble avec. En nous lit avec, nous commençons dans verset 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous disons amen, sœurs et frères. Jésus présente en fait ici les bases de la vie chrétienne. Il s'adressait à ses disciples et il s'adresse ce soir à vous et à moi. Jésus essaie de nous montrer, sœurs et frères bien-aimés, que le succès que nous désirons dans n'importe quel domaine, la victoire que nous souhaitons obtenir, nous ne pourrons les obtenir sans Jésus. Jésus essaie de nous montrer dans ces textes que vous et moi ne sommes rien sans Jésus. En fait, Jésus essaie de nous montrer une parole que le psalmiste David avait écrit il y a quelque temps de cela, quand le psalmiste avait dit que avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce que vous d'accord ça, Soya? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et pour montrer notre dépendance de Dieu, pour montrer cette intimité, pour montrer cette relation que nous devons avoir avec Dieu, Jésus choisit une image tirée de l'agriculture. Il se fait botanique. Jésus se fait botaniste et il prend l'image, il prend la relation étroite qui existe entre le sarment et le sceptre. Jésus montre l'étroitesse, l'interdépendance, cette relation profonde, vitale, devrais-je dire, entre le tronc, le sceptre, et les branches, les sarments. En effet, tous ceux et toutes celles qui ont une idée de la botanique savent très bien qu'aucune branche ne peut être forte. Aucune branche ne peut porter des fruits abondants, détachés, séparés du tronc. Jésus voulait montrer, sœurs et frères bien-aimés, que moi avec vous, dans cette relation que nous avons avec Jésus, il y a un choix à faire. Nous devons choisir d'être les amis de Jésus, d'avoir une vie intime, d'avoir une relation sincère, étroite avec Jésus, ou bien nous capables de choisir tout pour nous derrière bien Jésus, pour nous derrière grâce dans mes Jésus. Malheureusement, vous et moi faisons souvent le mauvais choix. Pas étonné, pas saisi, l'homme dit oh. Bon, bon monde qui a prélé Jésus là. Vous les voyez prier avec ardeur. Je ne doute pas de leur sincérité. Vous les voyez prier avec vie. Vous les voyez marcher un peu partout à la recherche de lieux de prière. Ne soyez pas étonnés de voir ces gens-là qui fréquentent tous les 40 jours, qui sont présents dans toutes les veilles de nuit. Ne soyez pas étonnés de voir que ces gens-là prient uniquement pour recevoir des biens, des grâces, des richesses entre les mains de Jésus. Gon bon monde qui a prié Jésus pour bien. Gon bon monde qui a prié Jésus pour résidence. Gon bon monde qui a prié Jésus c'est mariage. Gon bon monde qui a parlé avec Jésus son projet au pot de bail Jésus son besoin, il a toujours poté. Dans ces textes, Jésus nous montre que quand nous le recherchons rien que pour avoir la réponse à nos problèmes, à nos besoins, à nos questions, quand nous le recherchons parce que nous avons des besoins, Jésus dit au camper sous FM, au camper sous faux mouvement. Parce que si c'est des billets, Jésus a marché, ou ap déçu, ou ap frustré, relation pas bonne, li mauvaise, li gen des intérêts mesquins la donne. Jésus besoin entre nous-mêmes et lui-même en relation qui pi profonde. Qui basé sur moun, en relation basé sur l'amour. C'est ça le besoin. Et c'est ce qu'il tente de montrer à travers cette image. Bon vin pi pour bon faut comprendre. Bon vin pi préo parce que m'ta remet l'idée ça entrer fond en tête. L'on vient prier dans quinzaine nan. C'est vous qui avez tendance à demander caille manger travail l'argent résidence. Mais faut être d'accord. Et c'est ça Jésus attend de nous chaque. Que l'on vient prier là. Ou qu'a passé une temps à prier ou pas jamais demander Jésus manger. Faut être d'accord pour faire ça. Faut être d'accord faire deux heures de parler avec Jésus l'on pas jamais demander l'on mari ou pas jamais demander l'on madame. Faut qu'à d'accord. Souvine là. Et pas même pour vie éternelle ou vine là. Et pas même vie éternelle ou vine mandé. Bon, pose une question. Sous ta pas là, Jésus, vous pouvez démonter de l'église. M'pas bon vie éternelle. Est-ce qu'on vine l'église toujours? Est-ce qu'on met pied l'église toujours? Non. Parce qu'on a un intérêt. Sous pas un intérêt, sous pas vine encore. Seigneur, avant de venir nous, venir l'église pour Jésus seulement pour venir. Et pas même des vies éternelles pour venir, des Jésus pour venir. Ou pas d'accord? Ou beaucoup bon. Et des Jésus pour venir. Moi, avant comme chrétien, pour que je me comprenne. De pour que Jésus ait vie éternelle. Et Jésus pour gagner. C'est avec Jésus pour marcher. Il vous donne des images dans le texte pour vous aider à comprendre. Mais nous chantons ce couplet. Que nous refusons d'appliquer, malheureusement. Nous ne recherchons pas toujours cette intimité. Nous ne voulons pas de cette intimité. Parce que moi, avec vous, nous matérialistes. Nous partageons pensée qui dit toute activité humaine est motivée par l'intérêt. Sauf une l'église là, ou bien soit une chercher un bail qui est matériel, ou bien pour qui ça pour venir. Nous avons une mauvaise motivation souvent quand nous venons à l'église. Le rap chanté cantique inspiré à nous dit c'est si doux. De servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus. Et pas sortir dans chantier. Et pas sortir vrai. Je veux l'aimer toujours plus. Et pas sortir. Et pas sortir quoi? Et pas dans son quoi? M'a servi parce que moi, remel. C'est pour crasse ou vin de nan mel là. Ou m'a servi parce que remel. Et dans ces textes, dans trois temps forts, le Seigneur nous souligne. La relation qu'il souhaite avoir avec nous et les conséquences positives quand nous comprenons cette relation et quand nous l'acceptons. Dans le premier temps fort, les versets 4 et 5, Jésus nous montre que la seule façon, sur les frères bien-aimés, j'insiste là-dessus, membre de Béthanie, la seule façon de mener une vie vraiment bonne, c'est de rester étroitement unis à Jésus. Bon, moi, dis-le pour vous encore, nous arrivons au Kébile. Les versets 4 et 5 nous permettent de comprendre et de dire que la seule façon de mener une vie vraiment bonne, c'est de rester étroitement unis à Jésus. C'est pas au pral goumé pour pas pécher encore. C'est pas au pral redi pour résister à la tentation. Question caille, question manger, question radeau, pas dépendre de vous encore. L'ovle réussi. Si tu veux avoir une vie parfaite, une vie enrichissante, épanouie, ceux et celles qui souhaitent avoir une vie vraiment bonne, c'est pour coller sous Jésus. Et celles, ça vous fait coller sous Jésus. Et c'est ce qu'il nous dit d'entrée de jour, verset 4, demeurez en moi. C'est l'ordre qu'il donne à son église, ceux et celles qui prient. Jésus vous dit, arrêtez de prier pour la résidence, arrêtez de prier pour un emploi, arrêtez de prier même pour la maladie. Mais ce qu'il faut rechercher en venant ici chaque jour, c'est de demeurer en Jésus. Quand la Bible parle de demeurer en Jésus, cela implique que l'on reste auprès de Jésus. Choisissez sciemment, volontairement de rester auprès de Jésus. Et vous accepterez avec moi, je l'espère, que en pile dans nous très pas d'accord pour nous arrêter beaucoup de Jésus. Nous très pas d'accord. En pile dans nous, nous préférons quelques activités dans la fête pour nous dire Jésus, côté pas l'entrer là, rede dehors, même pas entrer non. Ça me va régler là ou pas la donne. Moi, avons souvent nous choisi volontairement, sciemment, pour nous mettre Jésus sous côté dans ça, nous va le faire. Nous choisissons pas mettre la donne. Nous pas d'accord, nous pas toujours d'accord pour nous rester beaucoup de Jésus. Bon, bon, quelques exemples, mais que nous n'avons pas beaucoup de temps. L'opéra allemand un visa pour les États-Unis. Est-ce qu'on fait Jésus à la voie? On va répondre, songez qu'ils ont rempli le formulaire là, oui. Songez pilement sous maintenant formulaire là, oui. Est-ce qu'on te dit Jésus en la voie? Est-ce qu'on aurait été beaucoup de Jésus? Nous pas aimer ça. Nous fait esprit ne pas choisir. Nous ne sommes pas nouveaux à le faire. Vous vous rappelez l'exemple des Gadaréniens? Quand Jésus arriva dans ce village et qu'il a libéré, certains évangiles disent un homme, d'autres disent deux hommes qui étaient possédés de mauvais esprits. Jésus a libéré cet homme et l'homme est revenu à la vie. Il a retrouvé son normal. Et quand Jésus arriva dans le village, ça m'a dit Jésus. Pas rentrer, vous m'êtes allé, allez. Parce que Jésus avait chassé les mauvais esprits vers les pourceaux. Et dans ce village, les habitants menaient une vie pastorale. Ils étaient bergers, ils étaient gardiens bêtes, ils étaient cultivateurs. Donc Jésus vint, lui fait repère du près de 2000 têtes de bétail. Jésus s'en est capable de gâter ça. Façon de comprendre bagaille là, nous pas comprendre ni comme ça. La vie nous fait moun perdit bien yo, la vie nous dérange à faire moun. Population de Jésus, non mon cher, ici là, pas rentrer, pas vin là. Des fois, moins avant nous pas garder araignée. Mais nous choisissons pas prêter bon côté Jésus, nous pas quitter le rite bon côté nous. Nous ne voulons pas demeurer en Jésus parce que ça nous va le régler. Nous pas voulons Jésus entrer la donne. Mais vite au songer, façon choisi ménageau. Est-ce que vous avez dit Jésus et d'où choisi? Est-ce que des fois, l'on a choisi ménageau ou pas dit Jésus, font-il en moi, bon bagage, je vais gérer là, pas qu'à mettre la donne. Parce que le n'a choisi ménage, nous choisissons sous mesdames, nous choisissons sous bluff, nous comptons bien pile menti, nous comptons des intérêts mesquins, nous mettons Jésus dehors la donne. Combien de machins qui attendent là, dans le commerce, ou pas quitter Jésus vide dans le commerce du tout? Parce que vous avez pesé des mamites, ou des folons, ou avez mélangé de l'eau dans le produit pour vendre, ou Dieu dit Jésus, ça, pas vide la donne, non? Parce que vous allez le déranger, vous allez gâter business en souvenir. Nous choisissons souvent de mettre Jésus à côté. Mais avant tellement, mesdames, nous pensons sous technique, nous, sous ruse, nous, sous ti mesdames, nous avons réussi. Seigneur, avouez-moi, nous si c'est qu'on soit comporté aux amis, frères, ou camper sous AM, en y même. Parce que Jésus dit aux sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça que vous voyez, doit soyez encore, demeurez en moi. Jésus doit soyez choisi pour rester beaucoup de temps. Ça voulait dire, rester beaucoup de Jésus. À mon sens, demeurer en Christ veut dire croire que Jésus est le Fils de Dieu. Ça veut dire, moi, avant nous croire, Jésus est tout puissant au siècle des siècles. Depuis Jésus avec moi, ça m'a fait la réussite quand même à la gloire de Dieu. Zanmim papa ouvre nous Jésus pour t'y égarer. C'est pour bon Dieu qu'on perd du contrôle quelques situations. Il est présent toute situation. Il déjoue les pronostics. Il rend l'impossible possible. On met traite dans Jésus Zanmim. Si ce qu'on fait bagouille, tu peux encore demeurer en Christ, car c'est croire que Jésus est le Fils de Dieu. Demeurer en Christ veut dire l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Demeurer en Christ veut dire faire ce que Dieu ordonne. Demeurer en Christ veut dire persévérer dans la foi. Même quand le monde s'écoule, même quand on a plus problème que solution, garde la foi. Même lorsqu'il y a plus questions que réponses, garde la foi. Même quand tout le monde vous tourne le dos, garde la foi. Grand pile frère Max, hélas, il n'y a pas de bêta, il n'y a pas de bon la caille. les grands pile maladie la caillo mon nan malade grave yo bouke prier gè frère Maxime Galkarougan il ne reste pas dans la foi, il ne garde pas la foi, il ne persévère pas dans la foi. Papa voye m dou jodi a alors demeurer en Christ ou son monde qui croit même quand monde l'a crasé bon côté Jésus aura quand même le dernier mot, même quand l'ennemi a sauté maté pompé Jésus a délivré quand même. Garde la foi, c'est demeurer en Christ. Demeurer en Christ veut dire également entretenir des relations d'amour avec la communauté des croyants, avec le corps du Christ. Lors demeurer dans Jésus, ou c'est mon qui compte pas donner. Lors demeurer dans Jésus, ou pas n'en fait tripotaille sous mon. Lors c'est mon qui demeurer dans Jésus, ou pas alimenter division, zizanie dans l'église. Lors demeurer en Jésus, ou l'ouvrir cœur pour aimer tout le monde, même mon qui pas mériter ça. Amen. Amen. Amen, sœurs et frères. Parce que Jésus Raymond, ou pas mériter ça. Ou pas qu'à dire ou mériter Jésus Raymond, ou pas mériter ça. Demeurer en Christ, c'est entretenir des relations d'amour avec les croyants, les sœurs et frères. J'ai une question pour vous. N'a répondu ni pour contre nous. Est-ce qu'on succombe dans Jésus? Est-ce qu'on certain qu'on demeure en Christ? De toute façon, c'est ce que Jésus attend de chacun de nous. Car la seule façon de mener une vie vraiment bonne, c'est de rester étroitement unis à Jésus, car Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais il y a un deuxième temps fort dans ces textes que nous lisons au verset 6. Au verset 6, Jésus continue et dit, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. » Le deuxième temps fort n'est pas très réjouissant, mais c'est un avertissement. L'intimité avec Dieu, c'est une obligation. L'intimité avec Jésus, c'est une question de vie ou de mort. Zamim, soit zamim Jésus ou bien zamim Mala. Il n'y a pas d'autre alternative. En tout cas, c'est comme ça le ciel comprendre, comme ça bon Dieu comprendre. Soit close avec Jésus, soit c'est partner Jésus, soit c'est associé Jésus ou bien ça l'autre marché. La nature a horreur du vide et en Dieu, la neutralité est impossible en Dieu. Mon Dieu, pas neutre. Il n'y a pas de monde qui a vu une église, c'est comme s'il était l'église. Il y a des monde qui a vu une église qui baptise dans son registre, c'est comme s'il était là. Mais il n'y a pas aucune relation avec Jésus. Il n'y a pas de sec Jésus, même si elle est dans l'église. Où elle vit une église là, des garçons liés, des filles liées, des manger liés, des voyages liés. Papa, vous voyez, m'doua, souéa, ou pas prendre ça me balle là, non, mais son vérité lié. Soit on vit dans Bethany, et des voyages ou venir, ou ayant, ou à tech, l'église a pas mal voyage. Ou ayant, ou à tech. Soit on vit l'église ça, et des maris, des madames ou venir, parce qu'on doit voter ça, des bons tigrines, pour venir des bons tigrines dans l'église ça, et des garçons. Et bien, des garçons viennent là, ou ayant, ou à tech, l'église a pas mal Marie. L'église a pas mal madame. Quelqu'un qui vit l'église, oui, on va dire, Adventiste dit, Adventiste pas qu'on encadre, on va encadrer les gens, ou bien encadrer, aller en bosse et bénisse, faire le faux encadrer, bon, on l'église pas encadré. C'était des biens le vini, oui, des demi-bousses le vini, l'église pas demi-bousses. Seigneur, vous avez nous sous là, et pour Jésus, pour venir là. Sous pas venir là, pour Jésus, ou chiré. Ça monte, ça branche, ça la sèche. Les bras l'ont dit fait. Il a coupé le jeté, la boulé. Moi, il a vu une bétanie pour Jésus. Moi, il a vu une prière pour Jésus. Moi, il a fait 30 000 à genoux pour dire Jésus, je suis l'argile. Toi, le potier. Rends-moi docile, ton prisonnier. Et laisse-moi bénir, Seigneur, frère bien-aimé. L'intimité avec Jésus, c'est une obligation. Soit que nous soyons amis de Jésus, soit que nous soyons son ennemi. Et quand nous sommes ennemis de Jésus, nous serons retranchés, jetés et brûlés au feu. Faites le bon choix. Faites le bon choix, vous qui êtes là ce soir. Soignez votre relation avec Jésus. Ou même, quittez, mettez Jésus dehors la caillou pour un travail, pour une guérison, pour un mari, pour un l'argent. Ou mettez-le dehors la caillou pour un aigle. Papa, vous voyez, m'dou, suspendre, marcher derrière un pain pour perdre toute une boulangerie. petit job là goumé pour lui, ou bay menti pour lui, son pain. Jésus son boulangerie lié. Suspend belle son boulangerie pour un pain. Papa voye me doit ça ou que tu mettez le dehors la caillou. Gon prion qu'a fait avant qu'il fini. Si gen conscience toujours, si gen bonne volonté encore, si vous voulez retourner dans base, si vous voulez coller avec Jésus, ou qu'a dit en prie Jésus. On a la caillou avec ma soeur. Ou pas ta remède lisa soya. Tu prie Jésus. On a la caillou avec ma soeur. Et l'on fait prier ça, dans cette quête, d'avoir une intimité plus profonde avec Jésus. L'on fait prier ça qui est sincère, parce qu'on voulait amis Jésus. L'on vient de l'église dans là, et pas de aucun bien matériel ou vini. C'est parce qu'on voulait sembler avec Jésus. Tu veux que son image soit restaurée, rétablie en toi. C'est pour ça qu'on vient. L'on vient pour ça. L'on a une bonne motivation ça. Algon merveille qu'a fait dans la vie. Et je termine avec cette merveille. C'est le troisième temps fort de ces textes que nous lisons au verset 7. Qu'est-ce que nous lisons au verset 7? Voilà une béatitude. Lisez avec moi, mesdames, messieurs, sœurs et frères. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et nous lisons amen, mesdames, messieurs. Vous aurez tout. Vous aurez tout, car toute bonne chose de ce monde appartient à l'Éternel des armées, ton père, mon père, amen. Vous aurez toute bonne chose qui l'a gagné, qui l'a gagné. L'on close avec Jésus, l'on a une relation avec Jésus. Que je vous dise, tandis que je termine cette méditation, le christianisme est une religion relationnelle. Zamim. Tout goût mon wap goumé de l'argent, de manger, de caille. Ou qu'on s'en fout goumé comme ça? Mauvaise relation avec Jésus. Font oublier caille, manger, mari, madame, voyage. Cherchez pour bien avec Jésus. Cherchez pour régler cause avec Jésus. Ou qu'on s'en fout là, oui? Chaque monde qu'on gagne en eau, à offrir. Ou qu'on s'en fait Jésus. Cherchez pour zami Jésus pour ouais. Si tout problème au colongé, si tout pape disparaît à la gloire de Dieu. Écoute, le David te dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. De qui ça t'a parlé là? Son relation. Son relation. L'Éternel c'est berger, c'est papa. Moi bien avec papa. Malaise avec papa. Je fais volonté papa. Moi soumettre avec papa. Eh bien, tout ça papa me gagne. C'est pour moi. Amen. Parce que tout goût moi goûme là et parce que met Jésus dehors dans affaire ou pas ami Jésus Seigneur avoue me dit oui il tendait il comprend mais il remet toujours et c'est pour ça il dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Troisième idée à retenir, l'intimité avec Dieu est toujours une source de grande bénédiction. Bon, moi, prenez pour vous. L'intimité avec Dieu est toujours une source de grande bénédiction. Montrez au monde qui aime Jésus, montrez au monde qui prospère à la gloire de Dieu. Job avait tout perdu, mais il a retrouvé tous ses biens, multiplié par 10. Ça fait les gars tout bien, yo. Et tes amis, bon Dieu, même dans l'adversité. Il était close avec bon Dieu, même dans la maladie. Je termine cette méditation pour te dire, mon frère, que j'aime, ma soeur, que j'aime beaucoup. Ne t'inquiète pas des problèmes, des soucis de la vie. Inquiète-toi plutôt de soigner ta relation avec Jésus. Ne t'occupe pas de tes manques. Pour tes manques, Jésus s'en charge. Pour tes besoins, Jésus s'en occupe. Pas fait tête ou fort mal, perdre du sommeil, tension montée, sucre montée pour problème Timoun. Pas pour vous venir aujourd'hui, avant Timoun, vous êtes petit tout, vous êtes petit l'Éternel déjà. Bon Dieu, qu'on est là. Bon Dieu, qu'on est là. Nous manquons de puissance. Nous manquons de grâce. Nous manquons de bénédiction. Parce que nous refusons d'accorder la priorité à Jésus. Nous refusons d'être close avec Jésus. Nous chantons, mais nous ne pratiquons pas le vrai. Papa, vous voyez, nous chantons, c'est si doux de servir Jésus. Je veux l'aimer toujours plus. Seigneur, Dieu, pas seulement chanter, mais fort, fais le tout. Assoya. Seul prière m'tare mon fait. Et cette prière sera porteuse de grandes bénédictions. Cette prière sera porteuse de grands miracles pour chacun de vous, si vous y croyez. Cette prière sera porteuse de grandes délivrances, si vous l'acceptez. La seule prière juste à faire ce soir, c'est d'ouvrir vos cœurs et dans le silence, le dire à Jésus. T'en prie Jésus, assoya, en a la caille avec. Ou pas ta remède Seigneur, tourner la caille. Ou pas ta remède l'entrée la caille. Gen Marie qui te courir al bo sec Jésus a nous pral prier qui te courir al bo tombe Jésus a l'elle rivé bo tombe l'en paroi Jésus l'elle a pas la gardien sans songe le dédi gardien on vinn chercher mettre là on paroi mettre là on pas konn côté au favel est-ce que mettre là pas dit côté le praler depuis avant le mourir mettre là te dit m'a mouri m'a fait 3 jours après 3 jours m'a ressuscité. Altan-moi tel côté. Le dégât au rendez-vous. Altan-moi tel côté. Mais souci la vie, problème l'en mort, difficulté du moment, fait que Marie blie promesse Jésus. Marie blie parole Jésus. Marie blie rendez-vous Jésus te bali. Les gardiens, yo volé mettre moi, m'ba konn côté au favel. Peut-être jodi an l'ou gade dans cœur ou est plus problème mon paroi Jésus. Le regard dans cœur aujourd'hui, où est en pile difficulté mon père Jésus, où est en pile souci mais Jésus pas dans cœur aujourd'hui. Aujourd'hui, on bonne motivation mais non l'église là. Mon père jamais dit depuis la caillou, m'a saute la caillou, oui, m'pral Bethany pour m'al rencontrer avec Jésus. Ou vinn Bethany pour rencontrer tout le monde. Mon père jamais dit ou vinn rencontrer avec Jésus. Peut-être grand pile monde dans ça là tant qu'au Marie. Yo volé Jésus là. Ou pas qu'on côté ou mettez. Peut-être bon monde dans salle là qui vient Bethany aujourd'hui. Mais Jésus pas la caille depuis quelque temps. Il met Jésus dehors depuis quelque temps parce que volé Jésus là. M'pas qu'on qui circonstance, qui monde qui raison qui fait au voler Jésus là. M'pas qu'on qui ça qui fait Jésus pas dans cœur connien et pas pour lui ou vient Bethany encore. Ou vient pour toute l'autre raison sauf pour Jésus. Mais papa, vous voyez, m'dou à soya. Dans la situation, il y a les mêmes seuls qui carrétient au là-dedans. Papa, vous voyez, m'dou à soya. Les comprendre soit traversé. Mais pour faire miracle dans la vie, il faut ouvrir porte pour l'entrer la caillou. Faut ouvrir porte pour l'entrer dans le cœur. Zamim, ou pas besoin d'argent. Ou pas besoin de caille. Ou pas besoin de mari. M'vin d'où ça, soit c'est bon Dieu, vous voyez, m'dou ça. Ou bon seul besoin, c'est Jésus besoin à soi. Sou on sorti dans ça là avec Jésus, toute sa tête en bas la caillou, la tourner tête en l'air à la gloire de Dieu. C'est pour ça, dans mes côtés, chita, fais mes yeux, mais l'ouvrir cœur bien grand, pour dire Jésus, doux maître, règne sur moi, soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier, rends-moi docile. Ton prisonnier sous la croix avec pour la lacher avec Jésus. Fais mes yeux, l'ouvre cœur et on fait prier ça ensemble. Jésus, doux maître, règne sur soumets mon être, soumets mon. Sois-en le roi, sois-en. Je suis l'argile, toi le potier. Je suis l'argile, toi le pote. Rends-moi docile, ton prisonnier. Rends-moi docile, ton prise. Sous d'accord toujours, on dit, je m'abandonne, Jésus, à toi. Je m'abandonne. Jésus, détruis, pardonne tout mal en moi. Détruis, pardonne tout mal. Remplis mon âme, remplis mon âme. Remplis mon âme, dis ça avec sincérité. Remplis mon âme. Remplis mon âme. De ton esprit. Et qu'il m'enflamme, et jour et nuit. Et qu'il m'enflamme. Et jour et nuit. Amen. Amen. N'oubliez jamais, Sœur Zéphia bien-aimée, que la seule façon de mener une vie vraiment bonne, c'est de rester étroitement uni à Jésus. Puisque Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'intimité avec Jésus est une obligation. Car si nous ne sommes pas attachés à Jésus, nous serons détruits comme des branches sèches. Et nous serons jetés au feu, car nous avons besoin de Jésus. Et quand nous avons cette intimité avec Jésus, quand nous restons soudés, connectés avec Jésus, c'est toujours une source de grande bénédiction pour le peuple de Dieu. Entrez chez vous avec Jésus dans vos cœurs. Continuez à demander à Jésus de retourner chez vous, de retourner dans vos business, de retourner dans vos entreprises, d'être présent dans toutes vos relations. Quand Jésus retrouvera sa vraie place dans vos cœurs et dans vos vies, le sort, prière va monter, grâce va descendre. Bonne nuit, que le Seigneur vous bénisse.